Même petit boyau. Pourquoi brossez-vous votre sauce à spaghetti la nuit? Ah, mon jeune homme, vous vous intéressez à ma sauce à spaghetti? Pardon? Vous vous intéressez à ma sauce à spaghetti? Oui. Toute la planète s'intéresse à votre sauce à spaghetti, même petit boyau. Oh, je vis une émotion intense. Vous vivez une émotion intense, madame Thibaudot? Oui, j'ai comme le cœur en boulette de steak haché. Oh, mon Dieu. Alors, pourquoi vous préparez votre sauce pendant la nuit, là? Mais parce que les boulettes de viande hachée me semblent plus heureuses. Attendez, là. Vous dites à la population que lorsque vous tournez votre sauce à spaghetti, la viande hachée, les boulettes de viande hachée semblent plus heureuses. Oui, semblent. Semblent. Ça, c'est d'après vous, là. C'est une interprétation. Là, j'interprète, moi, là. Je suis incapable de discuter avec une boulette de steak haché. Vous avez jamais essayé? Ah, ben, j'ai. Oui. On peut entendre l'entrevue que j'ai accordée la semaine dernière. Ben, en tout cas, qu'une boulette de steak haché m'a accordée. Oh. Je crois qu'on n'a pas le temps. Bon, mais on vient de commencer, moi. Oui, on commence là, là. Mais je suis sûr qu'on déborde à l'heure où on se parle. Ben, on peut pas déborder. La sauce à spaghetti, on n'a même pas mis la tomate séchée. La tomate séchée. Ben oui, ça va faire gonfler ma sauce à spaghetti. Ma sauce à spaghetti. Ouais. Là, la nuit, ça gonfle plus. Ça gonfle davantage. Tu connais-tu l'histoire de la boulette et du piment fort? Non. Tu connais pas l'histoire de la boulette et du piment fort? Ben non, madame. Ah, c'est dommage. Veux-tu que je te raconte? On n'a pas le temps. On n'a jamais le temps avec toi. Mais non, mais on peut pas. On peut pas quoi? On peut rien faire. On peut pas rien faire. Tu es comme un agent de police. Oh, mon Dieu. Est-ce un honneur? C'est non, pas du tout. Bon. Alors, comment dois-je prendre ça? Ben, faut pas le prendre, hein. Il faut le laisser. Le laisser où? Ben, le laisser à l'endroit où on l'a pris. On l'a pris où? Dans la sauce à spaghetti! Oh, dans la sauce à spaghetti! Monsieur le Président? Messieurs les pas trop catholiques? Madame les voluptés? Et vous? Chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. On a une boulette. Pardon? On a une boulette. Une boulette de steak haché? Non, on a une boulette. Quelle sorte de boulette? Nous sommes à notre deuxième enregistrement. C'est vrai. La première... A échoué. Ben, ça n'a pas fonctionné. Comment cela? À 48 minutes... Le magnéto a sauté. Aïe aïe. Alors, les gens qui verront les vidéos auront beaucoup d'inédits. Oh, des choses jamais présentées dans l'audio. Jamais dans l'audio. Toujours dans l'audio. Toujours dans l'audio. Jamais dans l'audio. Jamais dans l'audio. Toujours dans l'audio. Toujours dans l'audio. Toujours dans l'audio. Toujours dans l'audio. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs pour un temps illimité. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Êtes-vous certain? Quel talent! La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. J'aurais pu faire ça pendant 2 heures et demie. C'est difficile, ça. C'est le poinçonneur des lilas. Oui, en version babine. En version babine. Ah, écoute. Qui télécharge mes émissions? La Gestapo. Est-ce que c'est plus facile, la javanaise? C'est l'émotion. Gaétan, c'est l'émotion. Ben arrête de pleurer. Comment ça? Ben t'es un énergumène émotif. Un énergumène émotif. Plus énergumène que moi, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que la normalité, ma chérie? Oh! Alors, qu'est-ce que la normalité, sa chérie? Ben, sa chérie se dit que ça s'achèvera ainsi. Comment ça? Ben, parce que lorsqu'il aura tout digéré son trop-plein, il arrivera à des idées plus normatives. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'il va regretter ce qu'il a dit, là. Comment ça? Ben, parce que normalement, là, cet homme-là, là, ça parle pas. Ça parle pas, mais ça travaille pas, ça fait rien, ça s'étale, ça veut dire ouais. Ça veut dire va gagner ta vie puis ramène-moi de la bière. Ah, c'est un vrai Québécois devant sa TV. Sa télévision. Ah, c'est un autre sa télévision. Ben, tout le monde est sa télévision. Qui télécharge mes émissions? La Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ces états? À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénale. Tiens. 2 heures et plus à travers l'errance et voici le pitre qui change les chapitres. Pitre diégétique, votre itinérant langagier. C'est qui? C'est Gaétan Raymond. Gaétan Raymond. Gaétan Raymond Tremblay, le mieux. Gaétan Raymond, le mieux. Non, c'est Rénal. Renato. Renato et Cocastone. Renato. Renato est un siphon. Renato. Personne ne répond. Personne ne répond. Il est cartonne, Pépito et Colachonne. Pépito, la Colachonne. Qu'est-ce que c'est la Colachonne aujourd'hui? Oh, c'est du petit grimoise à la légèreté de Maudelaise. Oh, c'est pas la belle région de Maudelaise en pétale, c'est en pétalisie. Alors, pétalisie très bien, vous pouvez en pétaliser si vous voulez, mais pétalisez pas des pauvres citoyens qui, eux, ne cherchent qu'à vivre à travers toutes leurs pétales. Je tiens à remercier tous les pétaleux qui veulent péter la gueule à l'errant canadien. Nous allons nous réunir pour lui faire une fête. Bing, bang, et nous lui souhaiterons un prompt rénalissement. Bon, l'errance rénalienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Aujourd'hui, le samedi 17 avril 2010, les errances rénaliennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. C'est beau. Il va recommencer. Tu vois la vie au bon la ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Je me fous du monde entier quand Frédéric me ramène les amours de nos 20 ans, nos chagrins, nos chez 60. Sans oublier les copains du quartier aujourd'hui dispersés. Bon, bon, bon, bon. Au redevant, on n'était pas des poètes, pas des lapins, quoique. Ça forniquait là-bas, à l'autre bout du monde, là, tu te souviens? Ah ben non, mais moi j'étais à l'autre opposé de l'autre bout du monde. Alors, tous les bouts se rejoignent. Il paraît. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Aujourd'hui, on le dit, nous placerons cette semaine sous les projecteurs l'ami belge Arnaud avec son nouvel opus Bruxelles. Excusez-moi pour le micro. Bruxelles. Mais c'est BRU, rien noir. Non, c'est pas BRU, rien. Éliminons les Bruxellois avec les frites et les moules et la bière et les tics et la oui. Alouette, gentille alouette, alouette, je n'ai plus baisser la tête, je ne peux baisser la tête, à la tête. Aïe donc, baisser la tête, sur le micro, le coco, co-colonisé québécois, c'est moi. Clotaire à paille, vas-y, lunettes fumées, Clotaire. Alouette, gentille alouette, je ne peux baisser les yeux. Face à un Clotaire à paille, la rapaille. Paye 300 000 $ à Québec. Au Québec, il faut payer. Qu'est-ce qu'il dit là? On comprend pas. Ah, mais c'est sûr qu'il faut suivre l'actualité québécoise. Là. Pour tous les francophones qui nous écoutent, là, nous avons demandé, vous vous souvenez, depuis toutes les errances dont je parle d'actualité, cette semaine, il n'y en aura pas. Mais nous avons fait la connaissance d'un Français qui nous a dit que nous étions des sadomasochistes. Je l'approuve, je l'aime, je l'embrasse. Et ça fait beaucoup de matériel pour les guignols, le guignol que je suis. Et donc, c'est pour ça. Si vous faites sur Gaggle, Clotaire à paille, vous trouverez quelques vidéos de moi, malgré moi. Je ne suis qu'un torchon. Je tords, je pleure la moindre émotion. Appelez-moi en vapeur. Comme la saucisse, Qu'est-ce que tu veux faire, là? Il ne faut pas obstiner une saucisse qui estime qu'elle s'estime elle-même. Comment la saucisse? Combien saucisses? Hey, les extraterrestres en viennent! Arnaud, de son vrai nom, Arnold Arnold Leschnold, bien rempli de Charles-Ernest Wanyachain, est un chanteur et acteur belge né le 21 mai 1949 à Hey, on n'a pas de barman. Rita, t'as pas de barman. La mini-kini, la bono-kini, madame mono-kini, deux barman. Pas de glace. Bien agité. N'agitez-moi pas ça dans le verre. Madame Bono, mono, venez ici, mono. Poupou, madame, poupou. Alors, dans un stand parfait trilingue, il a d'abord surtout. Non, lui, c'est quadilingue. Le cuquingingus. Ça, c'est la langue du lécheux. Tu connais la langue du lécheux? Il y a le chien qui le lèche et il y a l'os qui ne veut pas lécher le chien. T'as-tu déjà vu un os lécher un chien? Non, mais j'ai déjà vu un chien lécher un os. Ça, c'est normal. Parce que le chien était chaud. Le chien était sous l'os. Comment ça? Il y avait un os gigantesque et le chien était tout petit. Il était là. Tu fais un chien petit, j'ai fait un chien en dessous de l'os. L'os voulait pas le lâcher, toi. C'était un sauvage, cet os-là. On a dit, mon os, tu vas lâcher ce chien-là, mon os. Gros os. Hey, là, moi, j'avais déjà un problème au cœur. Hein? J'en avais pas. J'étais comme le Québécois moyen, j'avais pas de cœur. Puis là, j'ai dit, tu vas lâcher ce petit os, parce que mon os m'a tostiné jusqu'à la fin. Avant de privilégier le français, avec aussi quelques chansons en néerlandais. Moi aussi qui maîtrise le néerlandais, pour toutes les néerlandaises. Est-ce qu'il y a des néerlandaises? Il y a des gros nés, des nénés, des nénés, il y a des nounous, des nénounous, des nounous. Ah, des nounous, il y en a beaucoup de nounous. Les nounous, les nounous, les nounous, les nénés, les nounous, les nénés. Hey, on est en communication. On communique. Ils s'en viennent. Restez là. On va s'envoler peut-être avec eux. Correspondance. Incroyable de concentrer et de constater à quel point ce vétéran du rock belge nullement éprouvé se confie, se bonifie, se rectifie, se ribifie et se raminifie avec le temps. Avec le temps. Version Barbara. Avec le temps, va, tout ça va. Avec le choix fouille, la mort. Je suis un poète engagé, s'il vous plaît, engagez-moi. Je ne suis pas très cher, hein. Je ne veux pas une maudite scène. Lorsque la pièce me colle au canard, je cherche le pavé. Alors donc, se confie avec le temps. Arnaud Winslow nous enjolive l'oreille dans sa plus pure tradition qui oscille entre le rock bourru jouissif chanté en anglais et une complainte éraillée magnifique en français. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour, pour la dernière fois, autour d'une œuvre, celle de Gilles Carle avec la mort d'un bûcheron. Maintenant, laissons la chance aux chansons et attendons. À quoi? Attends-moi, s'il vous plaît. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre. Mais moi, je vois plus rien. Attendons la montée improvisatrice des mots faire son entrée et en avant le générique. Thank you.

pas en direct. Ben, c'est parce que je me suis procuré... Il faut que je raconte pourquoi j'ai des allergies constantes. Je me suis procuré un micro usagé, deux micros usagés. Et je m'en excuse infiniment auprès de toutes les auditrices et auditeurs à qui j'ai plastichonné quelques... J'ai pas pu fermer le micro, hein. On peut pas ici. Ben, on pourrait faire ça. On fait pas ça. Mais on pourrait le faire. Mais on peut pas. On pourrait. On peut pas. Ah ouais, non, moi, et puis donc, et à travers ce micro-là, ça vient de Dallas. Et c'est une marque qui s'appelle comment? Rickley. La marque Rickley. Et... à l'intérieur du micro, ça sent la chenoute! Je sais pas si le chanteur avait une voix... non, pas nasia... Ah, ça sent l'analgésique. Ah, sainte... Ça sent pas juste analgésique. On peut pas... Est-ce qu'on peut en parler davantage? On peut pas en parler davantage. OK. Ce micro-là. Je l'ai lavé, je l'ai relavé. Puis là, il y a comme un petit... comment t'appelles ça? Un spongieux absorbeur. Un spongieux absorbeur que je ne peux pas absorber d'autres spongifores puisque si je sponge très fort, ça va briser le micro. Hey, c'est clair. Ça. Tout le monde... t'es un vrai... moi, c'est un professeur d'école. Un professeur... un tutorel au niveau de la bouche. En haut de du palais, là, on m'a dit, tu vas... vraiment la dent indicatrice qui pourrait amener l'étudiant à ne pas décrocher et à se rendre jusqu'à l'université malade! Hey, t'es fou! Non, malade. L'université malade. En tout cas, dans n'importe quelle université, malade ou pas malade, tout le monde est malade. Mais je ne pouvais pas être professeur. Pourquoi? Parce que j'ai la prothèse qui décolle. Pourquoi ne pas reprendre les écrits de Jean de La Fontaine en les remodelant sous une nouvelle forme, celle qui nous offrira? La liberté d'errer sans adhérer au classicisme endimanché qui accable ses fables. Présentement, occupons-nous de celle-ci. On a pas jeté le mot. Oui, on l'a jeté parce que c'est la deuxième fois qu'on fait l'émission. Hein? La première fois, ça n'a pas bien fonctionné. Puisque... notre magnéto s'est arrêté tout seul. Ben, pas tout seul, mais il y a eu un problème technique. Et comment tu fais pour trouver le mot? Ben, on va en prendre un au hasard. OK. On va prendre le mot oiseau. Oiseau. Pourquoi oiseau? Ben, ici, j'ai un album de René Simard qui s'appelle L'oiseau. Oh! Est-ce qu'on peut entendre la chanson? Si l'impro est réussi. Je vous ferai ce supplice. On va entendre l'oiseau de René Simard. Oui, nous l'entendrons. Si vous êtes gentil. Je serai gentil. Et si l'impro est réussie? Elle sera réussie. Je ne crois pas. Parce que l'oiseau ne vole pas haut. Le René Simard? Non. L'oiseau. Lequel? L'oiseau qui s'appelle l'aigle volant. Oh, mais comment ça? Normalement, il doit... Ben oui, il porte mal son nom. Comment? Il y a de la difficulté, hein? Freud l'a déjà psychanalysé. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, arrête de te rattacher à ton nom. C'est lui qui t'étouffe, c'est lui qui t'amène un manteau trop lourd et tu ne peux pas t'envoler et t'amener dans des élancées créatrices et surtout extravagantes dans la vision de toute incorporation de l'idée première. Eh bien, on comprend rien. On comprend. Non, mais l'oiseau, est-ce qu'on le... Dépoussière-toi et vole. Ah, ça, c'est simple. C'est très simple. Enlève toutes tes plumes et pars. Mais là, comment ça? Sans plumes? Ben, sans plumes. Moi, je dis que l'oiseau a au moins 250 plumes, pas 100. Pas 100 plumes. Ah, non. Est-ce que plume a une plume? Qui? Tu parles de plume, le chanteur? Plume, le chanteur. Lequel? Il y a Molière qui a une plume. Ah, oui. Il y a Shakespeare. Shakespeare, le chanteur anglais. Non, c'est un écrivain anglais. Ah, oui. Et il y a aussi un Québécois qui s'appelle Plume La Traverse. Oh, Michel. Michel La Traverse. Oui, mais lui, il avait la plume. Ah, il l'avait bien planté, lui. À quel endroit? Au niveau des doigts. Et, et en plus, ben, tous les créateurs, hein. Et cet oiseau-là s'est dit... si je ne peux voler convenablement, je servirai le peuple. Oh, c'est un vrai. Ah, c'est un véritable. Et il s'est placé à un moment donné dans un état léthargique. Et dans une soirée de poésie, il est atterri tout bonnement et il a dit... Et en oiseau, ça veut dire « Prenez mes plumes, ça vous appartient. » Et là, tous les créateurs, il y avait Jean de la Pompaine, il y avait Jean de la Pompeu, la Pompeu la Papa, la Pépite à Pépeu, la Pépite la Papa, la Pépite à Pépeu. Il y avait plein de gens, connus et inconnus, qui se sont pris une plume après cet oiseau. Et là, l'oiseau pleurait à chaque fois qu'on lui extirpait ce qui l'amenait vers les cieux, même s'il ne volait pas très haut. Il se disait, est-ce que je suis comme la société? Ça, c'est, je traduis parce qu'il faisait. Et ça veut dire, est-ce que je suis comme la société? Raserait. Attends un peu, la traduction de raserait. Est-ce que vous voulez refaire là? Raserait. À 250 000 thermomètres. Raserait. Réfrigéré. Alors, serais-je comme eux et volerais-je aussi bas dans l'underground? C'est l'oiseau qui a dit ça. Presque en larmes, hein? Il faisait... Non, ça, c'est parce qu'il y avait de la misère à partir. Hein? Pas de plume, là. Il voulait s'élancer pour s'en aller vers le nid papal. Mais là, il a... Là, il a demandé au petit Jésus. Petit Jésus était occupé. Il a demandé au Bouddha. Bouddha est occupé. Mais là, Reynald est passé par là. C'est une belle histoire. Ben oui, Reynald est passé par là. Il a dit, qu'est-ce que tu veux, toi, petit oiseau? Le petit oiseau. Je n'ai jamais vu. Reynald a dit, je n'ai jamais vu un oiseau pas de plumes. Et il était fatigué, le Reynald. Ah, il était très. Il a deux nuits sans dormir, 362 rencontres au niveau de la procession. Si c'est ça, c'est pas autre chose. Et là, l'oiseau, l'autre en avait ras-le-bol, il a envoyé 250 000 oiseaux. Il a dit, vas-tu me lâcher le poignon, toi? Vas-tu me lâcher le bec? Là. Il prend sous l'aisselle, hein, puis là, l'oiseau, il sentait confortable, là, il commence à roucouler. Là, ici, il dit, le Reynald, il dit, je vais l'amener dans une rôtisserie, ils vont le cuire, on va le manger. C'est ce qui est arrivé. C'est la tragique histoire de l'oiseau. Ah, oh, là, on va-tu l'entendre, la chanson? Ouais, ben, comme l'improvisation est assez ordinaire, pour vaquer à cette problème. Non, attendez, pour vaquer à cette problématique, nous entendrons cette chanson devenue célèbre au Québec dans les années 70, L'oiseau de René Mimard. Le René Mimard connu de tout le monde. Si vous faites une recherche sur Google, faites René Simard et vous connaîtrez ce petit de 10 ans qui chantait. Il chantait quoi? Ben, il chantait, on essaie de l'avoir. Qu'est-ce qu'il chantait? Il chantait l'oiseau. Et ça commençait comme suite, comme la suite. Ah, comme ça. Les mères ont pleuré. Les petits garçons voulaient y ressembler. Ah, c'était René Mimard. On y va. Le Shirley Temple québécois. Thank you. Le petit garçon avait 10 ans à l'époque. Aujourd'hui, il en a 50 et quelques. Donc, c'était notre Shirley Temple québécois, l'oiseau de René Simard. Je sais qu'il y a des gens qui ont versé une larme. Non, pas en riant, là, mais en pleurant. Donc, pourquoi ne pas... T'es méchant! On t'aime de même. Pourquoi ne pas reprendre les écrits de Jean de La Fontaine en les remodelant sous une nouvelle forme, celle qui nous offrira la liberté sans adhérer au classicisme endimanché qui accable ses fables? Présentement, occupons-nous de celle-ci, c'est-à-dire le renard et le buste. Pas le renard et le buste. Le buste de Jean de La Pompaine. Le buste de... De qui? De Sophie Marceau. Pas Sophie Marceau. Non, c'est le buste de Carla Bruni. Pas Carla Bruni. Carla Bruni Sarkozy. Pas Carla Bruni Sarkozy! Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Ces gens qui naissent, ces gens qui pleurent, ces gens qui rient, ces gens qui toussent, ces gens qui... Ces gens. Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Les grands, c'est en haut de 1m58, Didier. Ouais, c'est 1m57. 1m57, pas de couette. Pas de couette, sous la couette. Non. Un cheveu lisse, pas hirsute. Oh, pas de cheveux hirsute. Pas d'hirsute au niveau du cheveu. Oh! Merci, Didier. D'accord. Alors, les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Leur apparence impose aux vulgaires idolâtres. L'âne n'en sait juge que par ce qu'il envoie. Ça fait passer à Saint-Exupéry. Saint-Exupéry disait « L'essentiel est invisible pour le cœur et le cœur me fait une nausée venue de l'intérieur. » C'est pas ça qu'il disait? Ben, moi, je te le dis. Le renard, au contraire, à fond, les examine. Les quoi? Les cœurs. Les petits cœurs des oiseaux moqueurs sont remplis des cas de vie et... Les oiseaux, c'est l'oiseau moqueur, sont munis d'éclats de riz. Comment ça, du riz? Ben parce que ça rit, les oiseaux. Ça rit avec du pain, mais pas juste du pain, du riz, arrête de rire. Ben je ris pas, c'est les oiseaux, oh! C'est des ricaneux. Les renards, au contraire, à fond les examinent, les tournent de tous sens, et quand ils s'aperçoivent que leur fait n'est que bonne mine, ils leur appliquent un mot qu'un buste de héros lui fit dire fort à propos. Ah, il était très fort, il lui a dit « À propos, tu es plus faible que moi, alors je suis fort. » C'était un buste creux. Comme les chocolats de... Tu as reçu un chocolat à Pâques? Oui, et à la Trinité. Il y a la Trinité. La Trinité se passe. M'y rompons pas avec ce chocolat-là. Parce que j'ai mangé le chocolat. C'était un œuf de Pâques. Et à l'intérieur, c'était creux, c'était vide. C'était comme la vie. Oh, mon Dieu, c'était un fond inévitable. Un quoi? Un fond inévitable. C'est le noir. Le noir. De l'espace. Des étoiles. Arrête de répéter. Je répète pas. C'était un buste creux et plus grand que nature. Le renard, en louant l'effort de la sculpture, « Belle tête », dit-il. Mais pourquoi tu dis-il? Ben, c'est le renard. Ben oui, mais on sait que c'est le renard. Dis pas dit-il. C'est redondant. Oh! On connaît le théâtre. On connaît. Alors, le renard, en louant l'effort et la sculpture, ouvrir les guillemets, deux points avant. Belle tête! Mais là, tu viens de perdre les gens parce que tu as dit les guillemets avant, les points. Là, les gens ne comprennent plus. OK, Reprenez. Je reprends. Le renard, en louant l'effort... T'as l'air... Non, j'ai pas l'air, j'ai la mélodie. This melody and a melody, fuck you. Le renard, en louant l'effort de la sculpture, t'es vulgaire, je suis très vulgaire. Deux points, ouvrir les guillemets. Belle tête, dit-il, mais de cervelle, point. À la ligne, non, sur la gueule. Le point, là, est entre la molaire et la rimolaire. Et lorsque la rimolaire est attrapée par la jointure, ça fait mal. Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point? Le point, c'est la fin. Oui, c'est le point final. Je l'ai pas senti. OK, ferme tes yeux. Ferme ta bouche, ouvre les yeux, tu verras, ça ira mieux. Ferme ta bouche, ouvre tes yeux. Avale maintenant. Belle tête, dit-il, mais de cervelle, point. Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point? Tu es très en colère. Je suis comme l'alouette. Je tente l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Elle n'a point la vie, que j'ai véri. Je n'ai point la vie, j'ai véri. Je n'ai point pays, j'ai trouvé la mairie. La mairie. Elle était où la mairie? Elle était à côté du pays. Mon pays, je n'ai pas un pays. C'est l'hiver, mais là, c'est pas le cas. C'est tellement pas le cas qu'on peut dire que allez en paix, parce que c'est le temps du bonobo. Et lorsque le bonobo se donne de la place au cerveau, ça donne de la musique qui augmente la sono et fait cracher le morceau. On a trouvé la pièce. Ça semblait normal, hein? Tout à fait normal. T'es un grand, grand technicien. Merci. Merci à Georgette. Merci à Claudine. Merci à Lise, à Dorothée, à Mireille, à Marjorie, à toutes les champagnoises et les champagnes. Oh, Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Pousse la nana. Garde la nana. La nana nana nana nana. Je peux pas vous dire le chanteur, le groupe, parce que j'ai omis de l'écrire sur ma feuille de route. Je suis un garnement. Un petit garnement. Cette semaine, et ce, jusqu'à... Ah oui, il faut vous dire que j'ai retrouvé le mot dans le château symbolique de la francophonie. Alors, c'est pour ça que cette semaine, et ce, jusqu'à épuisement du concept, on dirait qu'on revit ça, c'est normal. Nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre coussure, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe illusoire. Illusoire. Qu'est-ce que l'illusion? Oh, mon, ça, c'est l'histoire de tous les politiciens. C'est vrai. Ils nous font croire. C'est comme les plus grands illusionnistes du monde. Ah oui. Houdini n'a que ce camion se cacher. Ah, ben, il sait même pas où il se trouve lui-même. Oh oui. Ben, son dernier numéro, j'aime bien que tu me le racontes. Ben, non, c'est vous qui me le racontez. Ben, je vais vous le raconter. Est-ce que vous voulez savoir l'histoire? Non. Non, on est déjà un peu en retard et il y a Georgette qui veut planer. Oh, mon, pas la Georgette Plana. Georgette Plana qui veut planer. Elle plane quand? Elle planera si nous avons une minute. Avons-nous deux? Non, non, on l'a pas. Alors, je peux pas te raconter. Ben, allez-y. Puis-je prendre le micro? Prenez-le. Bonjour, c'est moi, Jules. Mais non, non, hey, prenez-le, c'est-à-dire, crachez pas dedans. Oh, d'accord, excusez-moi. L'illusion, ben, c'est qu'un jour, moi et Gustafsson, c'est qui Gustafsson? C'est mon chien. Ton chien. Gustafsson me dit, votre chien parle, mon chien est un chien savant. Ah, mon... Plus savant qu'un premier ministre. Oh, du Québec ou du Canada? Oh, tous les mes premiers ministres. OK. Même les présidents. Oh, même les présidents. Et donc, mon chien me dit un jour, je ne suis qu'illusion. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que il n'existait pas. Non, non, non, non. C'est lui qui m'a dit, je ne suis qu'illusion. Et puis? Bah, je me tâtais. Oui, oui. Je me tâtais vers le sol. Oh, vous étiez couché? Non, j'ai eu un spasme, mais je suis tombé par terre. Oh. Comme une flaque. Oh, et comment vous vous sentiez? Comme une flaque. Et vous étiez répandu? Comme une flaque. Est-ce que vous vous êtes essuyé? Comme une flaque. OK. Et après? Mais comme une flaque, je me suis mise à couler de source. Oh! Et à chercher la poursuite vers l'illusoire à travers le chemin narratif. Et puis? Ah, j'ai dit la modestie. Oh! Vous avez souffert de modestie? Non, j'ai dit... Non! C'est presque ça. Non, j'ai cherché les grands poètes, les grands écrivains, oui. Et j'ai dit, le modestie. C'est un écrivain, ça? Non, non, non, non, non. Le modestie. Je connais pas c'est quoi. C'est un livre. Vous n'êtes que cancre. Je n'ai que cancre. Non, je suis que rénal. Oh, que cancre rénal. Non, la modestie. Oui, l'illusoire, oui. Le rasoir, oui, sur le fil du savoir. Oh, alors donc, vous voliez. Non, je voguais. Est-ce que ça vous arrive souvent? Lorsqu'il y a de l'eau. Oh, comme la flaque. Comme la flaque irrésolue. Je vais et je viens entre les flaques et je me plaque. Aïe, donc, je suis tombé, moi, là, tête première sur le sol. Et je me suis dit, c'est une illusion. Et c'est Ticu Baudouin qui m'a dit, non, non, non. Ce n'est qu'une prune et une douce sensation. C'est plus une sensation, ça, là. Hey, ça me fait mal. C'est normal, t'es humain. Oh, t'es vivant. T'es pas mort. OK, alors lorsqu'on est mort, on sent plus rien. Mais là, est-ce que tu peux amener la mort au niveau de mon petit poids que je viens de me faire parce que c'est souffrant en petit, s'il vous plaît. En petit, s'il vous plaît. En merci beaucoup. En merci beaucoup. Alouette. Ah! Non, on peut pas. Eh bien, il faudrait anesthésie. Les moments anesthésie. POM! Non, on peut pas vous anesthésier. Mais attendez, on va demander à l'infirmière. Ma petit bodo! Attendez, ma petit bodo! Non, c'est une ancienne infirmière, elle est rendue cuisinière. On va demander à sa congénère. Oh, pas la belle Stéphanie. Stéphanie! Oui. Stéphanie! Oui. Stéphanie! Oui. Oh, c'est vous? Oh, c'est moi. Vous avez une voix tellement sensuelle, oui. Mais vous partez toujours avec la voix, oui. Okay. Stéphanie, il a une prune. Une prune au niveau du... Du prunier. Oh, quel arbre! Troisième arbre, deuxième branche. Oh! Tout le monde a le prunier aussi intense, hein? Ah, parce qu'il veut, il veut se faire toucher le prunier. Non, ben, il, ben en fait, il s'imagine que la prune lui fait souffrir autant qu'il a souffert. Souffrir autant qu'il a souffert sans pour autant faire une histoire. Avec ma bouche qui a bu, qui a souffert et mordu sans jamais se souvenir de vin. Hey, ça, c'est la méthode que tu fais souvent. Ben oui, j'aime ça. Mais elle, c'est une illusion, cette prunelle. Elle m'est très chère. Elle est prunelle de mes yeux. Ben oui. L'illusion est dans la vie comme le rêve est au cauchemar. Donc, est-ce la vérité lorsque l'on se demande « Suis-je dans une réalité illusoire ou dans une vie irréelle? » Hey, c'est vraiment sage, c'est très sage. Ça vient de loin, ça vient de très loin, ça vient de ma plexus molaire. Oh, alors ça m'a l'air que ça a été réfléchi, très bien réfléchi. Tellement que j'aimerais laisser la place à Arnaud. On va la laisser. Arnaud's enfants. On y va. Francis Coulombe, il a défié le destin, puis le destin s'est vengé. Il avait pas le droit de défier l'autorité comme ça. Ça, il avait pas le droit, c'est de défier la providence. Ben non, mais il avait pas le droit de défier l'autorité, c'est bien sûr. Continue, mon petit noir, continue. Vous aviez préparé le réveillon après la messe de minuit, puis Monseigneur mangeait avec les patrons, puis vous leur avez dit, il se prépare quelque chose. Les gars vont mettre le feu. J'ai rien dit, moi, je le savais même pas, moi. J'étais dans la cuisine quand le feu a pris, moi. Un peu plus, je brûlais moi aussi. Il y a encore des cicatrices, c'est mains, regardez. Vous leur avez dit, c'est Baptiste Coulombe. J'ai rien dit, pantoute. Au contraire, moi, quand ils l'ont arrêté pour enfermer, moi, j'ai même protesté. J'y ai dit à Monseigneur, j'ai dit, Monseigneur, j'ai dit, les gars, ils ont fait ça juste pour s'amuser, Monseigneur. C'était pour rire. Appelez pas la police. Monseigneur a dit, il s'attaque pas à moi, il s'attaque aux saintes espèces, blasphèmes. Il blasphème. Puis là, le grand boss McDonald, il a dit, lui, il dit, ça fait deux fois que Baptiste Coulombe, il se révolte. La première fois, il a voulu se jeter sur moi avec un poignard. Puis là, cette fois-ci, c'est plus grave. Parce que cette fois-ci, il entraîne les autres. Fait que là, il a téléphoné. Ben moi, là, mine de rien, quand j'ai vu ça, j'ai ramassé les affaires de Baptiste. Je me suis faufilé. Puis là, j'ai ouvert la porte en secret. Il a pris le bois par là. Ça faisait 40 sous zéro. Il est mort gelé dans la neige. Ouais, c'est ça. C'est en crête. C'est votre père. Il a retrouvé son cadavre au printemps. Il a dit, Baptiste Coulombe a été tué d'une balle dans le dos. C'était-tu vrai, ça? Le cadavre, il était à moitié m'enveu par les loups. Il avait deux bras par là, il avait la tête de l'autre bord. Il y avait même une jambe qui traînait dans la rivière. Je l'ai pas cru, moi. Je le crois pas, moi. Moi, je crois que Baptiste Coulombe a été victime de son destin. Mais eux, les bûcherons, ils l'ont cru. Ils ont occupé le camp. Ouais, ils ont pris McDonald, le boss, en otage, l'enfermé dans la cabane qu'il y a là. Moi, je savais que les grands boss de la compagnie, ils arrivaient en visite dans l'après-midi. Pas dit un mot, moi. Continuant à faire ma coquerie comme si de rien n'était. D'ailleurs, même si j'avais voulu les avertir, j'aurais pas pu t'en crête, il avait coupé la ligne de téléphone. Il y avait même scié l'arbre qui servait de poteau avec cette chaîne ça. T'es sûr que tu dis la vérité, Tinoir? Tu dis pas ça pour faire plus dramatique? Je le jure, il avait scié l'arbre. Correct, correct. Ah. Hey, t'es mal pris, moi. T'es du bord, les gars, moi. J'étais du bord des chums, mais j'étais cuisinier. Manier le boss. Dans un sens. Non, pas ça. I never guessed it would walk up far from here. Oh, oh, oh, oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain and filled it in. Would I do anything for my sweet 16? Oh, I'd do anything. It's clear, baby, that you are all through here. Oh, oh, oh, oh. Someone's been making a castle for my sweet 16. Someone's built a candy house to house. Built a moon for a rocking

Je réglerai ton compte, Seigneur. Seigneur, on nous a dit, laissez-moi la paix, je vous laisse la paix. Ne communiquez pas le sens de l'Église, mais la croix de ton symbole, si la balle est le beau, et le beau le meilleur. En mangeant le si, là, je suis comme dans le fond de la gorge, j'avais plus de vin de messe, donc la messe était terminée. J'ai presque agonisé, j'ai presque été mort, mais je n'étais pas mort. Louange pour toi, mon grand saint, mon ancien, mon aide. Et si ce soir, je te prie de te remercier de tes services, c'est parce que ça n'a pas été ce que je croyais de mes errances rénaldiennes. Alors, je te parlerai de tout ça, mon beau saint. Alors, la chanson d'Arnaud, c'était « Dance with Air » et « La mort de Bûcheron », bien sûr. Drôle d'image sur ces larges horizons où les âmes zonent en zigzagant, en titubant comme plongées face contre terre dans l'air du vent, sur le souffle de la vie, cette étrange tranche d'existence. C'est la fin. J'espère que vous pleurez enfin. Parce que avons-nous ici les clés du bonheur? Nous avons les clés du bonheur puisque nous allons les barrer jusqu'à la semaine prochaine pour une autre errance rénaldienne. Toi, mon petit péloquin, je te cherche où que tu sois. Ô toi qui ne veux pas emprunter mes mots, mais qui exulte à travers les tiens, je te remercie infiniment. Rénald, alors, oui. Es-tu là? Oui, je suis. Oui. Oui, nous toute l'équipe de l'Errance rénaldienne, je tiens à remercier Mme Tremblay, Ticu Baudouin, Jacinthe Pilodeau. Mme Bonneau, on ne l'a pas appelée, Mme Bonneau, mais elle est là. Je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, elle est là. Toutes les copines de Mme Bonneau, celles qui l'a fait vibrer, on les embrasse parce que celle qui se raccroche à elle se raccroche à moi. Madame Marge, vous n'êtes pas dans la marge, mais vous êtes ma favorite. Marge, Forêt. Non, ça fonctionne pas, hein? Non, mais en tout cas, ça pétille. Ah, ça, c'est bon, c'est con. Je suis sûr qu'à l'école, elle s'est fait emmerder avec ça. Et puis, donc, nous allons nous quitter avec. Respirez-vous! Pardon? On sait. Rien, c'est tellement bon, vous. Merci. Ben, écoutez, cette émission était sous la consistance d'un cerveau un peu trop léger. Ben, nous avons repris 3 fois l'errance rénaldienne aujourd'hui, hein? Problème technique et puis rien n'allait selon le fleuve et la tranchée. Mais nous avons rapidement coupé sur la question et nous remercions. C'est tellement bon, fou. Mais merci, merci. Vous êtes aussi bonne en me le disant parce que sincèrement. Où es-tu, Rénal? Oui. Où es-tu? Ben, je suis ici. Ici, dans le studio que j'appelle le Bunker de l'amour. Je remercie tous les gens qui ont repeinturé tout le studio. C'est merveilleux. Nous avons eu un gros budget. Merci. On a fait un radiocon beaucoup plus fort que l'autre qui a eu lieu à ce même instant. Là. Merci de ne pouvoir pas donner une scène parce que ça ne mérite rien. Quand il y a des cocos, il faut les cocoloniser. Et, ça arrive. Pardon? Pardon? Allô? On n'a pas compris. Vous êtes où? OK. On est dans le Bunker de l'amour. Et puis, c'est qui ce mec? Ben, c'est Rénal Gagné. Et je vous remercie infiniment d'avoir écouté l'errance rénaldienne. On nous quitte. On vous attend, M. Gagné. Oui, oui, merci. Merci, j'arrive. Nous étions... Non, mais c'est qu'est-ce qui arrive, là? Non, mais nous étions avec Arnaud et nous terminons ce bloc avec lui-même, Black Dog Days. Vous êtes là, monsieur Chose, là. Arrivez-vous? On arrive. On arrive si tout va bien. Puis l'atterrissage, là, est pas nécessairement favorable puisque les vents sont de dos, les paroles sont d'acier et la mémoire est d'argent. Alors, on peut pas prendre ça. Prends ça en note, Gertrude. On dit j'avais pas de crayon. Ouais, garde d'insignifiante. On t'a donné 250 stylos. Mais ils sont pas à billes. C'est comment? Ils sont pas à billes. Ils sont pas à la bille. Ils sont pas à billes. À billes, à billes, à billes, au plomb, n'importe quoi. On a l'équipe. On les paye pas, ça vaut pas plus. Et puis la mort de Bûcheron, on termine avec ça. Robert Mitchum. Mitchum! Ça, c'est juste que... Ouais. What is the generation coming to? C'était... c'est It Like Sue. Oh, je sais pas. Tony Truant, le titre est trop long. L'album, pas Tony Truant, mais son album L'œil américain, je vous le conseille, incroyablement fort. Ça se dit pas. Incroyablement vrai. C'est pas vrai. Incroyablement. Et puis la chanson se nomme comme, comme il est écrit. Si tu ne veux pas de moi, chérie. Si tu ne veux pas de moi, chérie, tu peux trouver toute allégorie dans les sentiers de l'écriture. Toi, ma petite féligiature. Toi, les gens à main, les meurs, avec assez bien les temps, les peurs. Qu'est-ce que c'est du français? Et puis donc, The Helicopters avec Disappointment Blues et Serge Gainsbourg. On termine avec... Les ambassadeurs, parce qu'ils s'en vont en chantant. C'était Rénal Gagné. Je vous remercie. J'attends, là, monsieur. Oui, on arrive, on arrive. Arrivez-vous? Oui, oui, oui. On arrive en pleine forme. Couché à terre. Bouche à bouche, avec la langue, s'il vous plaît. Lucie, ma bonneau, on est prêt. Et puis, donc, merci à tous les gens qui nous... Oui, je le sais. Lâchez-moi. On arrive. J'arrive. Et qu'est-ce que je vais dire? Ouais, la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus coordonné. L'enregistrement sera mieux. J'ai su pourquoi j'ai eu un problème technique. Donc, on apprend à tous les jours, hein, à tous les enregistrements. Merci de votre patience. L'émission a été plus ou moins... C'est à vous du jeu. Alors, à votre tour, monsieur Gagné. Oui, merci beaucoup. Nous bénitrer. Ouf. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ici une émission? On va plus loin? Non, c'est dans le crémeux, là. Hein? Alors, c'était Rénal Gagné. Merci, bye, à la prochaine. Et puis, je vous embrasse. Merci de m'encourager. Surtout, vous êtes incroyable d'investir dans cette folie. Incroyable. Vous l'êtes aussi, hein? Vous l'êtes aussi. Aussi fou que moi. Bye-bye. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. My liver is crying. My body is dying. I just wanna sleep. I don't wanna feel. Never again. Friend, I need your love to survive. malade. Si la police m'a mené là-dedans, ils vont faire une enquête. Là, ils vont nous questionner. Ils vont fouiller notre passé. C'est plutôt ça qui te tracasse. Je veux pas me faire cautionner pendant 3 mois, moi. Ça m'a pris assez de temps de me faire une vitrine. De toute façon, tout ça est passé, fini. Il est trop tard. Faut pas réveiller le passé. J'ai déjà essayé, ça sert à rien. C'est naturel. J'ai pas d'autre mot. C'est naturel d'enterrer Tinoir près du père de Marie. Il y a même une certaine poésie à ça. Marie est d'accord, j'en suis sûr. Puis Tinoir est pas mort aujourd'hui, il est mort, ça fait 10 ans. Que ça va nous donner de faire un service religieux? Mais je parle pas nécessairement d'un service religieux. Bon, ben, un service civil, ça existe pas, puis la police s'en sac. Tinoir, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'amis, avec nous autres d'amis. Puis à part de ça, c'est un assassin. Qui c'est qui peut te permettre, Armand, de parler de Tinoir comme d'un assassin? Ah, pour moi, c'est un assassin. Mais qu'on abrille tout ça ou non, ça t'empêche pas d'écrire ton livre. Tu changes les noms, les dates, le lieu. Tu racontes ça comme un roman. Tu dis quand même la vérité. Moi, j'ai rien contre la vérité. Mais tu fais de mal à personne. T'as couché un mois, pense-y. Vous me dégoûtez. J'enlève la couverture. Non, non, non, Maintenant, François, va-t'en. Hein? Va-t'en, je ne veux plus jamais te voir, puis je ne veux plus jamais faire l'amour avec toi. Ben oui, mais... Va-t'en, je te dis. Mais Marie, on vient de... François, va-t'en. Va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Oui, ça fait mal. Tu m'as pas que t'as tes premières douleurs? Je sais pas. Viens, c'est bien. On va t'étendre sur le lit. Viens, assieds-toi une minute. Je sais pas ce que je vais faire. Apprendre à vivre seule, toute seule, sans François, sans personne. Étudier peut-être? Oui, étudier. Thank you. aurait été tellement plus facile, papa, si tu étais resté à la maison. Et toi, maman, si tu avais eu plus de vrai courage. Alors, je sais bien que c'est pas de votre faute, mais... Et je ne veux plus de votre humiliation, ni de votre héroïsme. Non. Bravo, bravo, bravo, bravo. In the USA, the teenager have the country in confusion. In the USA, the teenager have the country in confusion. Rock and rolling all of the time, have the parents out of their mind. Parents liking Liberace, kids is liking Elvis Presley. Bravo, bravo. So they rock and roll at night and day, bouncing up and down in the way they do. The parents shaking their head and say, what is this generation coming to? All the parents say their children will grow up to be delinquent. So if the children only dance to the rock and roll and the calypso, parents tell them they should only like the opera and symphony. But the young kids are too busy digging Mr. Belafonte. Bravo, bravo. So they rock and roll in night and day, bouncing up and down in the way they do. The parents shaking their head and say, what is this generation coming to? Is bouncing up through the jukebox like the monkeys and frogs. All the newspapers, they say that the teenagers going to the dogs. But the kids don't go to the dogs. That's the truth and these are the facts. All the girls is changing to chicks. All the fellows changing to cats. Bravo, bravo. So they rock and roll in night and day, bouncing up and down in the way they do. Your parents shaking their head and say, what is this generation coming to? Bravo, bravo, bravo. Je préfère boire.